Exercice 7, page 148. A. C'est une négation. B. C'est ma correction. C. C'est ta punition. D. Voici les prévisions. E. Sur la télévision. F. Pourquoi cette décision ?